L'actualité à Nancy et ailleurs. Cette année, le marché d'art et d'artisanat, l'art et la manière, change de lieu. Après deux éditions à l'Octroi, la troisième édition posera ses valises à la MJC des Trois Maisons. José, bonjour. Bonjour. Comment se présente cette troisième édition de l'art et la manière ? Elle se présente bien, avec enthousiasme, avec impatience. On est super bien encadré, super bien soutenu par la MJC. Et puis, je crois qu'on a tous hâte d'essayer un peu cette nouvelle formule. Un marché d'art et d'artisanat, quelle est un peu l'ambiance et la philosophie de ce rendez-vous ? La philosophie, c'est de pouvoir déjà nous se rencontrer en tant qu'artistes, de pouvoir proposer au public du coup de rencontrer aussi notre travail. Et puis pour les artisans et les artistes, c'est toujours une grosse période, hein, les fêtes de fin d'année. Donc c'est un moment où on peut vendre notre production, se faire connaître, rencontrer potentiellement des nouveaux clients. L'art et la manière, une des particularités, c'est qu'il se déroule sur deux week-ends. Première partie ce samedi 13 et dimanche 14 décembre. Pourquoi étaler sur deux semaines ? Comme vous l'avez dit, on est passé de l'Octroi à la MJC des Trois Maisons. L'Octroi, on avait 93 exposants sur la deuxième édition. La MJC des Trois Maisons étant plus petite, on a 30 exposants max par week-end. On s'est dit que les deux week-ends étaient libres, que c'est pas rare souvent d'arriver le dernier week-end avant Noël et de pas encore avoir pris le temps de faire les cadeaux, que c'était, on s'est dit on teste comme ça cette année pour voir un petit peu ce que ça va donner donc sur deux week-ends pour pouvoir accueillir un maximum d'exposants. Et pourquoi avoir changé de lieu ? Il y a une raison ? C'est une raison financière, surtout. Là, on n'a pas du tout à sortir d'argent pour la location du lieu. On a beaucoup de choses qui sont déjà sur place, donc on a moins de locations à faire en amont aussi, moins de préparation, et c'est vraiment financier, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Quel type d'art et d'artisans seront présents ? Il y a beaucoup de choses. Il y a du textile, de l'upcycling, de la sérigraphie, de l'illustration, de la céramique, de la peinture, du collage, toutes formes d'art et d'artisanat qu'on peut retrouver aussi sur d'autres marchés, qui sont nombreuses et nombreux cette année. Mais avec cette spécificité d'objet unique. Ça dépend quel type d'objet. Pour de la sérigraphie, comme son nom l'indique, on est sur des productions en série, mais effectivement, après, sur de la céramique, on va être sur de l'objet unique. Sur de l'illustration, ça peut être des illustrations numériques ou des illustrations peintes à la main. Ça va permettre surtout de pouvoir proposer des choses pour toutes les bourses avec des petits prix et des choses un peu plus coup de cœur sur lesquelles c'est sûr que les budgets seront un peu différents. Mais de pouvoir proposer un panel suffisamment large de tarifs pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc l'art et la manière, c'est sur deux week-ends, 13, 14 et 20 et 21 décembre. En dehors des exposants, est-ce que vous avez d'autres animations sur place ? Alors le premier samedi, le samedi 13, on va juste passer un petit peu de musique le soir, mais il y a tellement d'autres propositions sur Nancy, avec des plus grosses programmations au niveau des soirées, qu'on s'était dit que ça ne servait à rien de faire des doublons un peu partout, que ce n'était pas forcément utile. Par contre, sur le samedi 20, effectivement, le soir, on a Grodav qui animera un karaoké avec trois musiciens en live, donc un groupe qui jouera en même temps les morceaux, quoi. Ça va être vraiment chouette. Et évidemment, on pourra se restaurer sur place, je n'en doute pas. Donc, son restauration sur place. Voilà, la MJC des Trois Maisons, c'est au 12 rue de Fontenoy. Vous, José, vous présentez quoi sur place ? Alors moi, j'ai la chance d'avoir mon atelier en plus qui est déjà sur place à la MJC. Donc, j'ouvrirai mon atelier pour le faire découvrir aux gens. Et je proposerai de l'illustration, du textile. Là, je suis présentement aujourd'hui en train de sérigraphier des t-shirts. Il y a de la vaisselle, des peintures et des cartes postales, des cartes de Noël, plein de belles choses. Une raison de plus pour venir lors de ces deux week-ends à l'art et la manière. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette troisième édition ? Du beau temps. Un peu de soleil, ce serait cool. Merci José. Merci à vous, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.